à Éléonore, troisième. T'en souviens-tu, mon aimable maîtresse, de cette nuit où nos brûlants désirs et de nos goûts la libertine adresse à chaque instant varioua nos plaisirs? De ces plaisirs, le docile théâtre favorisoua nos rapides élans. Mais tout à coup, les suppôts chancelants furent brisés dans ce combat folâtre, et succombant à nos tendres ébats, sur le parquet tombèrent en éclats. Des voluptés, tu passas à la crainte. L'étonnement fit palpiter soudain ton foible cœur pressé contre le mien. Tu murmurois, je riois de ta plainte. Je savois trop que le dieu des amants sur nos plaisirs vieilloie dans ces moments. Il vit tes pleurs, morphée à sa prière du vieil Argus que réveilloit nos jeux, ferma bientôt et l'oreille et les yeux, et de son aile enveloppa ta mère. L'aurore vint, plutôt qu'à l'ordinaire, de nos baisers interrompre le cours. Elle chassa les timides amours. Mais ton sourire, peut-être involontaire, leur accorda le rendez-vous du soir. Ah! Si les dieux me laissent prendre le pouvoir de dispenser la nuit et la lumière, du jour naissant, la jeune avant-courrière viendra bien tard annoncer le soleil. Et celui-ci, dans sa course légère, ne fera voir au haut de l'hémisphère qu'une heure ou deux son visage vermeil. L'ombre des nuits dure au roi davantage, et les amants au roi plus de loisirs. De mes instants, l'agréable partage se roit toujours au profit des plaisirs. Dans un accord réglé par la sagesse, au doux sommeil j'en donne au roi un quart. Le dieu du vin, roi semblable part, et la moitié se roit pour ma maîtresse.